Donc là, ce sihr, d'accord, il s'agit du sihr haqiqi, celui qui se fait par le biais de ibadah li ghayrillah. Les sahara, qui ont différents noms sur cette époque, ils font des choses interdites en religion qui font sortir de l'islam pour pouvoir arriver à leur but. À l'instar des marabouts, à l'instar des médiums même qui prétendent connaître l'avenir, à l'instar des sorciers, à l'instar des druides, c'est encore, je dis encore des druides, il y en a encore. D'accord ? Car ces gens-là font des incantations, des prières, ils disent que nous, ils font que prendre des feuilles et de faire des potions et des choses comme ça, en prenant des herbes à droite à gauche, là, ils font aussi des incantations. Ils font des salats, des doa, des relillah. D'accord ? Même un frère, il parlait avec un d'entre eux, et il disait que l'autre, il invoquait la déesse de la nature. De la nature, soi-disant. Voilà. Donc voilà, donc même ces marabouts-là, qui eux se prétendent musulmans, d'accord ? Ces gens-là font des actes de shirk pour pouvoir faire comme dans ce verset, par exemple, séparer entre un homme et une femme si jamais tu le payes. Ou soi-disant faire aimer un homme et une femme si jamais tu le payes. Ça vient dans le bed, d'après, bismillah ta'ala. D'accord ? Ou te dire comment gagner de l'argent. Ou te guérir de maladie, soi-disant. Ces sciences occultes, elles, sont toutes basées sur le shirk billah azza wa jal. Et ce shirk fait sortir de l'islam. Quoi qu'on dise de son adepte. Je parle de l'adepte du sihr. Les gens vont vous dire, c'est un homme pieux, c'est un homme grand, c'est un homme... Là, c'est un sahir. Hein? Et c'est un kafir. D'accord? Et c'est un kafir. Et ce sihr, c'est une chose qui est très répandue. À la base, ça provient des juifs. Après, il y a plein de formes de sihr. D'accord? Il y a plein de formes de sihr. La magie noire, qui s'appelle le vaudou, également, ce qu'ils appellent la magie blanche. D'accord ? Et tous font des actes d'adoration pour que Allah Azza wa Jal, ils font des choses qui sont des sacrilèges en religion pour pouvoir avoir, obtenir l'aide des shayatines. La salaine, des choses immondes, comme écrire des versets du Coran avec du sang de haïd, de menstru, uriner sur le mushaf, d'accord ? Mélanger le pur à l'impur. Mélanger le pur à l'impur. Wakada. J'ai même vu, chez nous aux Antilles, ils appellent ça je ne sais pas si vous avez entendu parler, ils appellent ça des dorlis. Dorlis, en fait, sont, c'est comme on dirait des djinns qui viennent et qui ont des rapports avec les gens dans leur sommeil. D'accord ? La salade. Il y a plein d'histoires comme ça, des choses mystiques. Je me rappelle quand j'étais petit à Martinique qui racontait. Et en réalité, quand tu connais l'islam, tu commences à trouver une solution, une réponse à ces questions-là. Ils ont aussi ce qu'ils appellent quoi ? En Guadeloupe, les... Ah, j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Soukounian. C'est Soukounian, non, il me semble. Ce sont des personnes qui retirent leur peau et qui deviennent comme des oiseaux le soir. Et tu peux les voir comme des boules de lumière dans la nuit. Après, ils ont différents procédés pour les faire partir, soi-disant, d'accord ? Alors que si tu dis Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, c'est fini. Non. Pourquoi Soukounian, non, il me semble. C'est un truc qui est pour la Guadeloupe, ça. Et les Dorlis, plus la Martinique. D'accord. Et tous ceux-là sont des origines africaines. Parce que les esclaves ont été importés là-bas. Ça venait de là. C'était lié à la magie noire. Et c'est présent aux Antilles. D'accord. Tu vas trouver beaucoup de ceux-là. T'as qu'on dit histoire extraordinaire ou quoi, en fait, tout simplement, c'est des hommes qui travaillent avec des djinns. Et pour ça, ils font des sacrifices pour Allah. Ils égorgent des poulets, ils égorgent des animaux, peut-être même des sacrifices humains. Allah a l'âme ce qu'ils font en détail, tu vois. mais ils font des actes immondes, eux ils disent pas muslims, tu vois. Mais que tu vois d'autres muslims, des gens qui disent muslims, faire les mêmes. Mais en disant, nous c'est pour faire du bien, non, tu fais du mal. Quoi que tu fasses, tu fais du mal. Même si tu veux allier un homme à sa femme, tu vas faire du mal. En faisant cela, tu vas enfreindre le plus grand droit d'Allah Azza wa Jal, qui est le tawhid. D'accord ? Alors, savoir que Souleymane n'a jamais été un sahir, comme l'ont prétendu. Ce sont les shayatins qui étaient les sahara. وَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِتَعْلِيمِهِمْ لِلنَّاسِ السِّحْرِ. C'est ceux qui ont mécru en enseignant aux gens le sihr. ثُمَّ بَيْنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَيْئًا مِنْ مَقَاصِدَ الَّذِينَ يَتَعَلَّمُونَ السِّحْرَ وَتَفْرِيقُهُمْ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Et justement, parmi leurs objectifs de faire cette sorcellerie, c'est de séparer entre un homme et sa femme. Ça, c'est souvent les gens qui sont jaloux, qui veulent du mal, qui font cela. Ils vont voir des sahara, ils les payent pour, par exemple, leur fils est marié avec un homme, ils n'aiment pas cet homme-là. Ou leur fils est marié avec une fille, ils n'aiment pas cette fille-là. Ou leur sœur, ou quiconque. Et ils font de la division dans les couples. Tu verras que beaucoup de gens sont atteints de sihr dans des couples, d'accord ? Par cette cause-là. Ou des gens, on en a vu, qui étaient des koufars auparavant, hein, et autour d'eux, un entourage qui était lié au vaudou ou à la sorcellerie. Lorsqu'ils sont rentrés en islam, ils ont voulu leur faire du mal et les ont ensorcelés. Et après, le miskin dans l'islam, il avait des problèmes. Mais, tayyib, yakun ibtilan lahu, inshallah, le raf darajatihi. Si jamais il est patient, il fait face, ça ne fera que lever en degré. C'est une épreuve, c'est pas facile, c'est dur, d'accord. Mais s'il fait les asbab, Allah le raffermira et le sauvera. Même s'il meurt en étant tout le temps ensorcelé, mais qu'il meurt sur l'islam, il aura réussi. Il aura réussi. Yakun le fawaïd. أن السحر من عمل الشياطين السحر فمن الزاك دي الشياطين تبرية سليمان من السحر سليمان يتنصر السحر أن تعلم السحر وتعليمه كفر le fait d'enseigner ou d'apprendre le sihr, c'est l'aide de la mécréance majeure. رابعا إثبات تأثير السحر بإذن الله وأنه حقيقة. D'accord, que Allah affirme que le sihr a un effet réel et cela par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisan, nafi et naf an al-sihr, qu'il n'y a aucun bien dans le sihr. Même ce que tu penses être un bien pour toi, en réalité te nuit. D'accord ? Cela te nuit. Savant qu'il y a naf al-dunya, ou fil akhira. Maintenant, c'est dans le monde. Parce que les gens, après, deviennent prisonniers. Ils ont des engagements, des pactes. Tu vois ? Des pactes. Et Navian avait raconté un sahir qui est fait au bas, qu'après, les shayatins sont venus et ont tué tout le monde de sa famille pour qu'ils reviennent, pour se venger. Son fils, ses proches, ils ont maltraité tout le monde. Et certains ont voulu se défaire de leur pacte, et ils ont été traumatisés par les shayatins, qui les frappaient, qui leur faisaient de la misère. Khamisan, ou sadisan, kikarat al-sahir wa dina'ati. Ce qui montre la vilainie et la bassesse du sahir. Il n'a pas de valeur, il ne vaut rien. Et Jabir a dit que Tawarit, ce sont les devins. Dans chaque tribu, tu en avais un sur qui descendait les shayatines pour les informer des choses soi-disant de l'avenir. Et tu regardes bien, dans plein de choses qu'on nous a appris au petit, à chaque fois, il y a toujours un sorcier qui est là. Un sorcier. Regarde par exemple le Walt Disney. Je parle de mon époque, maintenant je ne connais pas. Il y a tout le temps, une sorcière ou une fée ou un enchanteur ou un sorcier ou un magicien, toujours. Toujours. Un jour, j'ai essayé de me remémorer ce que je me rappelle. Et alors, il y a tout le temps du sihr. Toujours. Hein? Ouais, le singe. Le premier, dès le début. C'est un marabout. Regarde, ils ont piqué un singe. Regarde. Ça va, pour te dire. Pour représenter, parce que le maraboutage, c'est chez les Noirs. Ils ont mis qui? Un singe. Ça va, pour dire les koufars. Ils vont mettre quoi? Un animal noble. Ils ont mis un singe. Je me rappelle même dans ces harakats. Tu voyais, c'est un noir qu'ils voulaient mettre. Vous voyez comment ils se prenaient. Les gens vont dire, oh, mais c'est en Afrique, c'est normal. Dis, le lion ne semblait pas un Africain, le lion. Pour te dire. Arrête, tout ce qu'ils font, c'est calculer. Ils n'ont rien laissé au hasard. Tout ce qu'ils font, il y a un code derrière, il y a un message derrière, il y a une dawa derrière. D'accord? Toujours. Et c'est pourquoi, pour rendre la chose, il y a ni Bénin, c'est pas grave, c'est rien. Adi. Ça, c'est pas grave. Si tu crois, regarde, depuis petit, on t'a appris ça. La petite fée, le génie, dans Aladdin, tous, ils font du sihr. Jaafar, tu te rappelles Jaafar? C'est quoi son but? Être le plus gros sorcier du monde. Regarde, c'est quoi son objectif? Être le plus Akbar Sahir. Ah, regarde. Walt Disney, ils ont tous du sihr. Et aujourd'hui, je sais pas c'est quoi, c'est venu à quel Mustawa. Ça fait des années que je connais plus, j'ai plus suivi. Tu vois. On m'a dit qu'il y a maintenant aussi le homosexualité qui est entré dedans. Comme ça, on m'a dit. Du fahish qui est entré dedans. Avant, il n'y avait pas ça. Pas l'histoire de sexe dans le Walt Disney. Si, il y avait du sihr. D'accord. Ah, content.